8 janvier, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet. Les Saguenay de Chicoutimi aussi ont bâclé des transactions au cours du week-end. Ils ont fait partie de la transaction qui a envoyé Noah Dobson à Rouyn-Noranda, obtenant en retour William Dufour, hein, qui a été le premier choix au repêchage des Huskies et le sixième au total lors de la dernière rencontre. En entrevue sur les ondes de CKG avec Michel Tifo et Dominique Bauduc, Yannick Jean a expliqué cette transaction. C'est des pourparlers de l'échange là, de Noah Dobson depuis l'échange d'Olivier Galipo l'an dernier. On voulait ajouter un joueur de la trempe d'âge. En premier lieu, on voulait ajouter un joueur de la trempe d'âge là, des Lapierre et des Rochettes. Tifo a été sélectionné au sixième rang au dernier repêchage. C'est un attaquant de puissance, ce qui est différent justement des deux que je vous ai nommés au préalable, que nous, on avait eu la chance et le privilège de repêcher. Donc, c'est un troisième joueur là, de 16 ans d'impact qui vient se greffer à notre formation. Donc, c'est un échange, c'est un retour important pour nous par rapport là, justement là, à l'échange. Dans un deuxième temps, Yannick Jean a quand même été très, très prudent dans ses commentaires lorsque Dominique Bolduc a posé la question si Noah Dobson a passé près d'aboutir avec les Saguenay. Bien, comme probablement il y a des questions qui s'alignent avec toutes les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais tu sais, lorsque tu regardes, puis tu analyses la situation comme il faut, est-ce que tu peux prendre le risque de payer pour Noah Dobson pour un an et demi de hockey et par la suite se retrouve chez les professionnels l'automne prochain? C'est un risque qui est énorme. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, de notre côté, c'était mieux là, de procéder comme ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou d'autres... Pour Marc Denis, il n'y a pas de doute que les Saguenay sont améliorés depuis la fin de la période des transactions. Ben, moi, je pense que la période des transactions qui vient de se conclure hier, on la regarde sur les trois fronts et même dans l'immédiat, l'équipe est améliorée. Lorsqu'on considère les joueurs réguliers de la formation, seul Zachary Boutier a quitté et évidemment, il était un de nos deux gardiens de but qui tous les deux avaient non seulement le potentiel, mais ont des performances pour être gardien de but numéro un dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a ajouté un joueur de 16 ans qui s'appelle William Dufour, qui a été le sixième choix au total du dernier rencontre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui évoluait à la droite d'un quatrième trio à Rouyn, mais qui aura des responsabilités augmentées, un temps d'utilisation également amélioré avec les Sags. Ce qui veut dire que dans l'immédiat, on s'améliore. À moyen terme, il est clair qu'avec des joueurs d'exception, comme on l'a mentionné, et le noyau de notre équipe, qui était malheureusement pour la plupart absent dans le match d'hier pour diverses raisons, là, mais qui sont toujours présents. On parle de Kotkov, Niadzef, on parle de Hood, évidemment, Shank devant le filet, et j'en passe. Ces joueurs-là seront tous de retour. Et à plus long terme, vient d'en parler, là, trois des sept premiers choix du dernier repêchage qui sont dans la formation pour plusieurs saisons. Alors, on pense qu'on a accompli notre boulot et maintenant, il faut que ça se traduise par éventuellement les performances sur la. On savait que les Saguenay de Chicoutimi se cherchaient un gardien de but pour seconder Alexis Schenk d'ici la fin de la saison, depuis l'échange de Zachary Boutier. Les Saguenay qui ont réclamé au balotage le gardien de but Daniel Maudis, qui avait été placé au balotage par les Voltigeurs de Monville. Cette année, en 28 matchs en carrière, celui qui est natif du Nouveau-Brunswick a remporté 18 victoires et subi 7 revers, tout en conservant une moyenne de 3,24 et un pourcentage d'arrêt de 860. Il y avait une compétition de patinage de vitesse sur contre-piste qui se déroulait en fin de semaine à Lévis. Chez les filles, Claudia Gagnon de Saint-Félicien a terminé au 3e rang. Cassandra Bradette, également de Saint-Félicien, au 9e rang. Catherine Maillot en 19e position. À noter également que Rosalie Tremblay de Saint-Félicien a terminé au 23e rang. Karina Montmigny, 26e rang. Aussi, la notons la 35e place de Mélina Tremblay et la 39e place de Flavie Laroche-Roy. Maintenant, il y avait une compétition de taekwondo qui se déroulait au cours du week-end. Ça se déroulait il y a eu plusieurs médailles qui ont été remportées par les athlètes de Dolbeau-Missassigny. En fait, 10 médailles. Et on va vous donner les 7 médailles d'or et 3 médailles d'argent. D'abord, Jérémy Maltais, Derek Pronovo, Laurelie Chiquette, William Lancette, Esteban Chiquette, Chloé Véro, Joé Pronovo ont tous remporté des médailles d'or dans leur catégorie. Et 3 autres jeunes, soit Amy Rose Boily, Michael Lancette et Alexandre Bouchard, ont terminé en 2e position. Je l'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec... D'abord, on en a fait une entrevue avec David Simard qui nous parle de la compétition de patinage de vitesse sur contre-piste qui a eu lieu en fin de semaine à Lévis. On a également parlé avec Marc Denis des Saguenayens de Chicoutimi, de même que Yannick Jean, également qui nous explique la transaction de Noah Dobson. Le sport local et régional à danradiosport.com à son équipe.